Just ouais, ah, hey poteau, j'suis pas là pour t'écouter parler, tous tes arguments m'ont déjà dégoûté. Depuis que j'ai débuté, je les entends débiter des vacheries, mais y'a que la stricte vérité qui compte dans la street. Et être un homme, c'est pas être casse-cou, ni être celui qui casse tout, mais être entier, moi c'est dans le cœur, j'ai des cicatrices, et je n'aime que la victoire laisse. Moi célébrer, faut que les déboires cessent, avant qu'un petit noir naisse. Et pour mes rêves, coupe la part en mille morceaux, comme quand le miroir casse, pour que dans 7 ans, on entende tous le plus de tiroirs caisse. Pas assez d'actes, j'acte, qui braille que des promesses. Je veux voir la vie en rose comme Sprite, que des promesses. Et je suis lean, j'ai high comme une comète. Je pense qu'à la daronne, je veux voir un sourire sur ses pommettes. Pour l'instant, je tourne en rond, je traîne sur Berry, sur le périph. Qui écoute ça si je péris à la fin du périph? Yeah. Un bord, à bord de mon cheval de Troie, je roule sur ses pédales, le pied droit sur la pédale de droite. Souvent le soir, posté dans la brechant, avec une femme, fume le vrai champ, ou avec des négros bressons sur du gros son. Mon langage est soigné, gravé les gants. Je jetais pas la pierre, je veux juste que mon blaze soit gravé dedans. Et si t'as là, parle pas avec moi si tu t'es pas lavé les dents. Je vois au bec, c'est pas le bac, mais mon stylo bic qui paiera mon loyer. C'est pas la pute des clips qui lèvera ton foyer. Arrête de te faire des films, la vie c'est pas fictif. Les secondes défilent, le temps sera ma victime. Je suis qu'un homme, je suis croyant à la vue d'une larme, à la vue d'une arme. Bien sûr que j'ai peur à la vue d'une lame. Je l'imagine transpercer mes vêtements. J'ai pas peur de mourir, j'ai juste peur de mourir bêtement.